Ndikomanyanga. Merci de rester branché sur les ondes de la radio Sanganiro. Bienvenue à ce journal, l'édition de la mi-journée de ce lundi 20 décembre 2021. Donc voici d'abord le sommaire. Ouverture ce lundi de sites additionnels de dépistage au Covid-19. Le constat est qu'au nom de la capitale économique de Bujumbura, comme à l'hôpital Le Roi Khaled et au centre de santé d'Ongagara, des longs files étaient prévisibles. Toutes les familles les plus pauvres et celles les plus vulnérables doivent être recensées pour qu'en cas de réception d'aide, ces derniers soient les premières à être assistées. Cela a été dit ce lundi au cours de la 7e Assemblée générale annuelle de la Commission nationale de protection sociale. Les femmes qui vendaient des cacahuètes avant la période pluvieuse dans la ville de Gitega disent être satisfaites de l'actuel commerce ambulant des termites volants en cette période pluvieuse, tout en affirmant que leur vie s'est nettement améliorée. Et dans la chronique sport de ce lundi, le médecin spécialiste dans la médecine des joueurs de football revient sur les conséquences dues au fait que les stades ne sont pas dotés des commissions médicales. Et Séraphine Akizimana assure la mise en onde. Page justice traditionnelle avant de débuter ce journal. Et le président de la commission Vérité et Réconciliation présente aujourd'hui devant les deux chambres du Parlement réuni le bilan de ses réalisations de cette année qui va prendre fin. Dans sa présentation, Pierre Clavin-Daïtchalier a souligné que ce sont des témoignages récoltés dans les provinces de Muyinga, Kirundo, Mwaro, Kayanza, Bururi et Makamba. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. La construction du palais de justice figure parmi les activités du gouvernement burundais exercice 2021-2022. Déclaration du Premier ministre ce vendredi lors de la présentation du plan d'action devant les deux chambres du Parlement. Alain Guillaume Bugnoni indique en outre que les sensibilisations à la mise en application de la loi récursoire vont avoir lieu. Écoutez-le, il est traduit en français par Jean de Dieu Irakote. Au ministère de la Justice vient à la tête des activités priorisées comme dans d'autres ministères, l'actualisation des lois et l'instauration des nouvelles. Plusieurs lois figurent sur la liste. Il y a les actions concernant la justice pour tous, plus spécialement pour les indigents, celles liées à la protection des droits de l'enfant. Il y a aussi les actions visant à diminuer le surnombre de dossiers pendants en justice dans les tribunaux de résidence, éveiller les intervenants dans le domaine judiciaire à exercer suivant la déontologie, ainsi que la sensibilisation à la mise en application de la loi récursoire. Les activités concernant l'augmentation de la production dans les maisons de détention au lieu que les détenus restent les bras croisés. Il y a également les activités visant à la promotion de la digitalisation des documents nécessaires et la délivrance des certificats fonciers. Il y a aussi une activité importante qui concerne la construction du palais de justice. C'était là le Premier ministre Alain Guillaume Bugnoni. Page santé à présent, des longues files d'attente des gens qui veulent se faire dépister au site additionnel de dépistage situé au nord de la capitale économique Bujumbura, comme à l'hôpital Roi Khaled et au centre de santé d'Ongagara, se faisait voir dans l'avant-midi de ce lundi. Ceux qui veulent se faire dépister apprécient le constat et que ceux qui viennent au contrôle et d'autres font la queue ensemble. C'est un reportage signé Moïse Misa. Sur tous ces sites additionnels pour le dépistage à la COVID-19, des longues files d'attente s'y observent des gens qui veulent se faire dépister. Ces derniers apprécient le geste de la part de l'État de les approcher des sites pour le dépistage. Néanmoins, ils disent que le personnel soignant à ces sites est insuffisant. Je suis venu me faire tester du COVID-19. Vraiment, c'est très fantastique. Si vous faites ceci, donc, vous donnez la chance à beaucoup de gens de se faire dépister, de se faire tester librement. Parce qu'auparavant, c'était vraiment dur. Les places étaient limitées. Alors, il y avait vraiment d'encombrement. Alors maintenant, c'est plus ou moins aéré quand même. L'État a très bien fait pour nous aider. Mais quand même, il faut augmenter les médecins et les infirmiers pour nous aider parce qu'il y a beaucoup de personnes alors que les médecins sont encorpés. Sur ces sites, des gens qui sont venus pour se faire dépister et ceux qui sont venus pour faire le contrôle font la queue ensemble. Un des responsables de ces sites affirme cette situation. Docteur Epitas, responsable du site situé à l'hôpital Roi Khaled, compte séparer ceux qui veulent se faire dépister et ceux qui sont venus pour le contrôle. Nous constatons qu'il y a une participation massive des gens qui veulent se faire dépister. Alors, pour nous, nous constatons que c'est un nombre très élevé. Tout le monde ne peut pas être accueilli dans un seul jour. Raison pour laquelle nous leur disons de venir demain ou d'aller se faire dépister dans d'autres sites de dépistage. Aujourd'hui, nous estimons accueillir aux environs de 400. Pour les gens qui viennent faire le contrôle, ils s'alignent parmi les autres, mais à partir de demain, nous préconisons faire une liste destinée aux gens qui veulent faire le contrôle seulement pour leur faciliter de passer un petit moment ici. Le comité de riposte contre la COVID-19 avait récemment majoré 6 sites pour le dépistage à mairie de Bujumbura en raison de l'augmentation des cas testés positifs ces derniers jours. Merci à Moïse Misago pour tous ces détails. Page société à présent. Toutes les familles les plus pauvres et celles les plus vulnérables doivent être recensées pour qu'en cas de réception d'aide, ces dernières soient les premières à être assistées. Lors de la 7e Assemblée Générale Annuelle de la Commission Nationale de Protection Sociale ce lundi, le Président de la République trouve les effectifs des Burundais assurés par la mutuelle sont encore bas, même si la protection sociale évolue bien. Le président Évariste Ndayishimiye appelle les comités communaux en charge de la protection sociale à suivre de près l'exécution de ce projet. Le président burundais appelle les organisations œuvrant dans le domaine de la protection sociale, notamment l'INSS, à accélérer la préparation des dossiers relatifs à la protection. Il a en outre apprécié positivement le projet d'appui aux filets sociaux, Mélangabandi, appuyé par la Banque mondiale. On l'écoute. Pour cet appui, que je considère comme un capital de démarrage pour nos citoyens démunis. Vraiment, le projet Mélangabandi, c'est un bon projet si c'est bien géré. Alors, j'exhorte tous les administratifs, tous les concernés, techniciens, vous devez faire sien ce projet pour que ça soit utile, que ça soit un projet effectivement qui doit relever la vie de nos citoyens. Il ne faut pas que ça soit un projet qui vient distraire nos citoyens, plutôt un projet qui vient pour relever la vie de nos citoyens. Il faut que tout le monde s'y mette. Moi-même, je me suis engagé. Je vais assurer le suivi de ce projet. Ça doit être un capital de démarrage pour la vie de nos citoyens. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Cap sur le sud du pays, la route reliant les provinces Bururi et Makamba est en cours de réhabilitation depuis une semaine. L'agence routière du Burundi et l'exécutant de ces travaux et les deux provinces fournissent, en plus du carburant, des matériaux de construction à leur disposition. Certains habitants de la commune province Bururi qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro disent que les échanges commerciaux avec d'autres provinces seront désormais faciles puisque même la RN16 Taba Gakuba Redia Bururi Agitega est en cours de bitumage. Le détail avec Jean-Pierre Misago. Ceux qui fréquentent le marché situé au chef-lieu de la province de Bururi et ceux qui font le transport à partir ou vers le chef-lieu de la province de Bururi disent que les échanges commerciaux seront désormais plus aisés. Pour ce conducteur rencontré au parking du chef-lieu de la province Bururi, cette localité auparavant enclavée s'ouvre désormais à d'autres provinces. Cet habitant de la colline Kiremba, où les travaux de reprofilage de cette route étaient ce 18 décembre courant à partir de Taba, dit que s'approvisionner à partir de Makamba sera désormais facile. Il est prévu que ces travaux s'étendent sur 8 mois, mais tout dépendra de la disponibilisation par les deux provinces du Moilan, du sable et de la latérite en plus du carburant, comme convenu selon Régis Mawenayo, directeur général de l'agence routière du Burundi, exécutant ces travaux. Les travaux d'aménagement et de bitumage de la route nationale numéro 16, tronçon Taba-Gakuba, qui devrait être terminé le 15 décembre courant, selon le contrat, reste en cours d'exécution. L'entreprise chinoise exécutant ce projet a demandé un délai supplémentaire, une demande en cours d'analyse, selon le directeur général de l'ARB. Jean-Pierre Misago, depuis Kiremba, commune Bururi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago pour ce reportage de Gitega. Rendons-nous au centre du pays, à Gitega précisément, où les femmes vendeuses des termites volants dans la ville de Gitega se disent satisfaites de ce commerce ambulant, affirmant que leur vie s'est améliorée. La plupart de ces femmes vendaient les cacahuètes auparavant, disent qu'elles vont retourner vers les arachides après la saison de termites volants. Reportage signé Fidèle Antoine Seyman. Munezero Anita, une de ces femmes, nous parle d'où proviennent ces termites volants et comment on les prépare. Ici, elle dit qu'elle les achète au marché, les lave, les grille et met des condiments nécessaires comme le pili-pili, le sel, le maggi pour qu'on les serve aux clients et à une bonne saveur. Est-ce que ces termites volants sont tous comestibles? Sont-ils de même famille? Cynthia Ikezakubu nous répond. Ceux qui proviennent de Muyinga sont plus ou moins longs et noirs. Ceux de Kumoso sont gros, même la saveur ne sont pas la même. Ceux de Kumoso et Chankuzo étant plus préférés. Les mgambga sont très amers. Les Binyabobo et Binyamuneka ne sont pas préférables, de même que mgambga. C'est un commerce qui leur est bénéfique plus que tout autre commerce en bilan qu'ils ont exercé, comme le confirment ces femmes. Ici, elle dit qu'avec un capital de 20 000 francs, c'est facile d'en pocher 10 000 francs de bénéfices. Il arrive à nourrir ses enfants et les habiller. C'est une bonne affaire, plus que même une boutique. Ces femmes font appel à d'autres femmes qui n'attendent que le revenu de leur mari de changer cette habitude. Elle conseille toutes les femmes à chercher une activité qui génère de revenus au lieu de tendre les mains à son mari. Les cacahuètes sont bénéfiques, mais loin moins que les termites. Même si on l'a dénigrée, elle s'en fout, car elle en connaît le gain. Les termites volants apparaissent depuis le mois d'octobre, novembre, et disparaissent avec le mois de janvier. Merci à Fidèle Antoine Saïmana pour ce reportage sur la vente des termites volants. Radio Isanganiro, chronique sport. Tous les stades burundais qui abritent les compétitions de football ne disposaient pas des commissions médicales. Docteur Jean-Claude Majambéré, spécialiste dans la médecine de joueurs de football, fait savoir que cette situation peut causer des incidents lors des affrontements au sein des stades et dans le cas de foudrement des spectateurs. Les détails dans cette chronique sportive avec Charles Makote. Le règlement de la Fédération internationale de football FIFA, en rapport avec la médecine du sport, stipule que chaque stade devrait avoir une commission médicale chargée de prendre en charge les joueurs ou les spectateurs, ce qui n'est pas le cas pour les stades burundais. Docteur Jean-Claude Majambéré, spécialiste dans la médecine du sport, explique. Ici chez nous, on peut dire que c'est un défi à relever. Au sein des stades, il n'y a pas de commission médicale. Selon le règlement de la FIFA, en rapport avec la médecine du sport, chaque stade où se déroule un match de football, il devait y avoir une commission médicale faite des experts, donc des médecins qui ont des formations complémentaires en médecine du sport ou bien des chirurgiens qui devaient être là pour pouvoir prendre en charge les joueurs ou les spectateurs en cas de besoin. Le rôle des membres de cette commission médicale poursuit le médecin et de corroborer en cas de nécessité avec les médecins de club en cas d'incident à l'intérieur du stade. Les membres de cette commission médicale chargés du suivi au sein du stade, ils doivent collaborer en cas de nécessité avec les médecins de club. Par exemple, ça peut arriver qu'un joueur se blesse gravement et qu'il doit être transféré dans un hôpital qui est proche. Le transfert sera organisé en collaboration avec les médecins de club et aussi les médecins membres de cette commission médicale mise en place. Ça peut arriver en cas de foudre, il y a les spectateurs, beaucoup de spectateurs qui sont blessés, qui tombent malades. Donc il va y avoir une collaboration entre ces médecins du club et les médecins membres de cette commission médicale pour pouvoir évacuer et prendre en charge ces spectateurs qui sont blessés. Le plus souvent, il y a absence de ces commissions. Ces commissions médicales, il n'y en a pas. Même des matchs de derby, par exemple Musongati Flambeau du Centre, c'est un match considéré comme le derby qui rassemble beaucoup de gens, plus de 10 000 personnes, mais on ne met pas souvent en place cette commission médicale. Et c'est un match très tendu, même au sein des joueurs, même au sein des spectateurs. Ça peut arriver des incidents qui nécessitent une prise en charge médicale. Docteur Jean-Claude Majambéré évoque également le manque des ambulances sur les stades du Burundi lors des matchs comptant pour les championnats nationaux. On a déjà observé des carences d'ambulances qui devraient transporter les joueurs ou les spectateurs gravement blessés au cours d'un match. Donc aussi, il faut communiquer avec les autorités sanitaires pour pouvoir disponibiliser les ambulances en cas de match de football pour faciliter le transport d'un joueur ou bien d'un spectateur gravement blessé au cours d'un match. Pour pallier à tous ces défis de la médecine du sport au Burundi, Dr Jean-Claude Majambéré appelle la Fédération burundaise de football FFB de s'impliquer afin de valoriser la médecine du sport. Merci à Charles Makoto avec cette chronique sportive. C'est par là que nous bouclons ce journal, mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, voici le rappel des titres. Ouverture ce lundi des sites additionnels de dépistage au Covid-19. Le constat a été qu'au nord de la capitale économique, Bujumbura, comme à l'hôpital Roi-Khaled et au centre de santé d'Ongagara, des longs files étaient prévisibles dans l'avant-midi de ce lundi. Toutes les familles les plus pauvres et celles les plus vulnérables doivent être recensées pour qu'en cas de réception d'aide, ces dernières soient les premières à être assistées. Cela a été dit ce lundi au cours de la 7e Assemblée Générale annuelle de la Commission Nationale de Protection Sociale. Et les femmes qui vendaient les cacahuètes avant la période pluvieuse dans la ville de Gitega disent être satisfaites de l'actuel commerce ambulant des termites volants en cette période pluvieuse, tout en affirmant que leur vie s'est nettement améliorée. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci à Séraphine Akizimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikomananga et bon après-midi à toutes et à tous.